Salatu ve selamu ala Resulillah. Louons Allah. Nous le remercions. Nous implorons son aide et nous nous en remettons à lui du mal qui habite nos âmes et de nos mauvaises actions. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, unique et sans associé. Je témoigne que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Il a transmis le message et s'en est honnêtement acquitté. Ô Allah, nous implorons des prières, des salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens, pour ses compagnons et ceux qui l'ont suivi. Après ceci, serviteur d'Allah, je vous recommande pour moi-même de craindre Allah et de lui obéir. Chers frères, nous avons déjà parlé du rôle de l'éducation dans la construction de la société et son importance dans le développement des nations. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle de la famille dans l'éducation des enfants. Chers frères dans la foi, les enfants sont un don dont Allah a gratifié ses serviteurs tout en leur demandant de prendre soin d'eux, de les protéger et de bien les élever et les éduquer. Sachez que les enfants d'aujourd'hui sont les hommes et les femmes de demain, d'où l'importance de leur éducation. Lorsque nous réfléchissons à l'éducation, nous constatons que sa base est la maison. La famille est la première cellule éducative. L'éducation commence avant le mariage par le choix de l'épouse pour l'homme et de l'épouse pour la femme. Ainsi, l'enfant grandit avec des parents consciencieux. Il évolue dans une ambiance de moralité élevée et reçoit une éducation spirituelle loin des considérations matérielles. Allah le Très-Haut dit, « Ô vous qui avez cru, épargnez à vous-même et aux vôtres le feu de l'enfer. » Les gens du savoir ont dit, « Éduquez-les, apprenez-leur ce qui sera une protection du châtiment d'Allah. » Autrement dit, éduquez vos enfants dans la foi. C'est là un grand défaut et une grande responsabilité. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, « Vous êtes tous des bergers et vous êtes tous responsables de ceux qui sont sous votre garde. » À la maison, l'enfant sera ce que sont ses parents. Ils sont l'exemple qu'il suit. Il influence ses parents. Il essaie de les imiter, toute leur grande responsabilité. À ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque enfant naît en disposition naturelle, à l'al-fitra. Ce sont ses parents qui le judaïsent, le christianisent ou le paganisent. C'est-à-dire, quand l'enfant est né, c'est comme une page blanche, les parents écrivent ce qu'ils veulent dessus. Ce sont les parents qui font d'enfant un juif, un chrétien, un païen, ou au contraire un bon musulman. Rapporté par le Bukhari. Serviteurs d'Allah, nous devons craindre Allah pour nos enfants. Élevons-les dans le respect du livre d'Allah. Incitons-les à la prière dès leur jeune âge. Habituons-les à la fréquentation de la mosquée et à la prière en groupe. Habituez-les et habituons-les à faire le bien autour d'eux. Apprenons-leur la bonne parole et à éviter les insultes et la médisance. Apprenons-leur le savoir-vivre, comment se tenir à table et le sommeil à l'heure. Évitez que vos enfants soient au courant de vos différends et de vos problèmes de couple. Cela peut leur nuire. Soyez doux et clément avec eux, mais aussi sachez être ferme quand les erreurs se répètent. Serviteurs d'Allah, ne confiez jamais l'éducation de vos enfants aux autres. Et là, je veux parler de technologies modernes, des ordinateurs, Internet, les jeux électroniques, les téléphones portables sophistiqués, les postes de télévision, la rue et ses mauvaises fréquentations. Ils sont porteurs d'idées et de pensées dangereuses. Certaines familles dont juste un être impose toutes les divisions dans la chambre de l'enfant. Forcément, l'enfant, avec un télécommande, passe la soirée à regarder la télé et il peut voir des émissions que la morale et la religion réprouvent. Les enfants ne dorment pas assez et cela a des conséquences négatives sur leur scolarité. Soyons vigilants, surveillons ce qu'ils disent, ce qu'ils regardent, ce qu'ils écoutent et ce qu'ils fréquentent. Chers frères, l'éducation des enfants ne se limite pas uniquement à la maison. Elle les accompagne dans la rue et à l'école. Sachez, je vous garde, que le plus grand des ennemis des enfants, c'est la rue et ses mauvaises fréquentations. La rue est l'ennemi de l'école et de la mosquée. Elle en détourne les enfants qui préfèrent l'oisiveté au travail scolaire. Surveillons les fréquentations de nos enfants. Faisons en sorte qu'ils ne traînent pas dans la rue très tard la nuit, car cela peut leur être néfaste. Il ne faut pas négliger non plus la façon dont nos enfants s'habillent. Est-il concevable de voir les filles des musulmans dans la rue presque nues? Est-il concevable de voir les garçons musulmans avec des pantalons indécents qui ne couvrent pas leur intimité? Et là, je pense au baggy. Cela ne fait pas partie de l'éducation des musulmans, loin de là. Serviteur d'Allah, l'école est l'autre élément important dans l'éducation. Nous sommes la nation de Fiqra, de la lecture, et nous ne lisons pas. Alors nos enfants ne lisent pas, et c'est là notre drame. Souvent, nous nous limitons aux devoirs et aux obligations. Nous négligeons la culture générale et ce qui va avec. Nous devons veiller sur la scolarité de nos enfants comme il se doit. Nous espérons tous que nos enfants excellent dans leurs études pour exercer des métiers honorables et occuper de hautes fonctions. Nous voulons des ingénieurs, des médecins, des professeurs et pourquoi pas des responsables politiques musulmans. Mais cela ne sera pas possible sans de bonnes études. Apprenons à nos enfants le respect de leurs professeurs, éducateurs et adultes. Et à ce propos, à la rentrée scolaire de cette année, un jeune a giflé son professeur. Il s'est avéré malheureusement, c'est un musulman. Une semaine après, une mère de famille, venant à la défense de son fils, a giflé la professeure. Il est où l'exemple dont nous parlons? Comment voulez-vous que ces enfants respecteront leurs professeurs? Veillons donc à ce qu'ils apprennent la langue arabe. Dieu merci, les écoles et les mosquées qui enseignent l'arabe ne manquent pas. Enfin, prions pour nos enfants comme le faisaient les messagers d'Allah pour les leurs. Abraham, paix sur lui, disait: mon Dieu, donne-moi une descendance vertueuse, sa femme. Les Zacharie, paix sur lui, disait: mon Dieu, donne-moi une bonne descendance, à Abraham 38. Suivez l'exemple de votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Suivez ses conseils et recommandations en matière d'éducation d'enfants. En conclusion, 1. Il faut considérer l'éducation comme une adoration, comme une pratique religieuse. 2. L'amour et la douceur sont importants dans l'éducation des enfants. La violence ne mène à rien. 3. Il faut toujours donner le bon exemple soi-même à ses enfants. 4. Prions Allah pour qu'il nous aide à éduquer nos enfants lorsqu'il est satisfait et qu'il les guide sur la bonne voie. Au salat wa salam wa ala rasulillah. Subhanahu wa ta'ala. السلام على المرسلين آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله